À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le journal indien World Mirror a présenté l'histoire abrégée des activités révolutionnaires du général Kim Jong-il avec sa photo.